Qu'est-ce qu'on fait dans un bureau? On y travaille. Qu'est-ce qu'on fait dans un restaurant? On y mange. Qu'est-ce qu'on fait dans une discothèque? On y danse. Qu'est-ce qu'on fait dans une piscine? On y nage. Qu'est-ce qu'on fait dans une chambre? On y dort.